Bonjour monsieur, vous connaissez... Bonjour monsieur, vous connaissez le festival Archipel ? Bonjour madame, vous connaissez le festival Archipel ? Merci. Non. Bonjour madame, vous connaissez le festival Archipel ? Non. Vous connaissez le festival Archipel ? Non. Bonjour monsieur, excusez-moi. Vous connaissez le festival Archipel ? Pas du tout. Non ? Il parle de musique actuelle. Ouais, je connais pas, je suis désolé. Selon vous, c'est quoi la musique actuelle ? Ça dépend des goûts de chacun. Pour vous, ce serait quoi la bonne musique actuelle ? Juste une seconde. J'ai pas le temps. Bonjour monsieur, vous connaissez le festival Archipel ? Non, désolé, je parle pour vous. Il parle de musique actuelle. Ouais, mais j'ai pas le temps, désolé. Mais selon vous, qu'est-ce que c'est la musique actuelle ? J'ai pas le temps, merci. Tu écoutes la musique ? J'écoute de la musique, quoi. Qu'est-ce que tu écoutes ? Ah, j'écoute de la musique des années 90, du rap. Ah, du rap des années 90 ? Ouais. Est-ce que c'est actuel pour toi ? Non. Bonjour monsieur, vous connaissez le festival Archipel ? Non, pas du tout. C'est un festival qui parle de musique actuelle. Non, je connais pas, désolé. Selon vous, c'est quoi la musique actuelle ? Rap. Bonjour madame, vous connaissez le festival Archipel ? Pas du tout, mais là je suis désolée, je dois juste y aller, mais dites-moi. C'est un festival qui parle de musique actuelle. Ouais, d'accord. Selon moi, c'est quoi la musique actuelle ? Ouf, il y a beaucoup de possibilités pour vous répondre. Je pense que ça dépend de chacun et toute musique peut être actuelle. Vous, si vous devriez répondre et définir la musique actuelle, ce serait laquelle ? Pour moi, ce serait le rap. C'est quoi, selon vous, la musique actuelle ? J'ai aucune idée, je sais pas, les trucs pour danser. Les musiques pour danser. La musique pour danser, c'est toujours actuel, oui. Ouais, j'imagine, je sais pas. Là, vous écoutez de la musique ? J'écoute des vieilles musiques, en fait, des années 70. Bonjour, madame. Vous connaissez le festival Archipel ? Non. C'est un festival sur la musique actuelle. Je suis désolée, mais là, je vais y aller. Bon, mais juste une question. Selon vous, c'est quoi la musique actuelle ? Tout. Toute musique est actuelle. C'est quoi la musique actuelle ? Celle qui est tendance de tous les jours, je sais pas moi. Ça peut être même du classique, parce que des fois, on peut écouter du classique, du moderne, du n'importe. Voilà. Donc vous mettrez la musique actuelle, tout pourrait être musique actuelle ? Oui, pourquoi pas. Ouais. Bonjour madame, excusez-moi, vous connaissez le festival Archipel ? Non, je suis désolée, je suis attendu un entretien. Une seconde, il parle de musique actuelle. D'accord. Selon vous, c'est quoi la musique actuelle ? Ce qu'on peut écouter actuellement. Donc vous écoutez quoi actuellement ? La radio. Bonjour madame, vous connaissez le festival Archipel ? Bonjour, non. C'est un festival qui parle de musique actuelle. Ah, bon. Selon vous, c'est quoi la musique actuelle ? C'est les taux. Ça pourrait être tout, ouais. Oui. Et selon toi, qu'est-ce que ça pourrait être la musique actuelle ? Selon moi, je sais pas. Tu écoutes quoi comme musique, toi ? Moi, j'écoute du jazz et puis du... comment on appelle ? Est-ce que le jazz pourrait être actuel ? Ouais, je pense. Selon vous, madame, non, le jazz n'est pas actuel ? Non, n'est pas actuel, le jazz. Selon moi, oui. Selon vous, c'est quoi la musique actuelle ? Plutôt électro. Plutôt électro... Ouais. Rock and roll aussi. Rock and roll. Et danson. Et électro. Les deux styles. Électro, rock and roll, danson. Ouais. Ça pourrait être actuel. Ouais. Moi, je connais la musique classique arabe. C'est très bien, la musique classique arabe. Mais je suis une fan. Vous pourrez la mettre dans la musique actuelle, selon vous ? Il y a l'ancienne et actuelle, il y a tout, mais je préfère l'ancienne. Merci beaucoup, bonne journée. Vous connaissez de la musique actuelle ? Le reggaeton, je ne sais pas quel mot. Les bachata, la salsa, que ça, c'est toujours moderne, la salsa. Tout ce qui se fait aujourd'hui, je ne sais pas, le rock, le rap, il y a plein de choses. Selon toi, c'est quoi la musique actuelle ? Je ne sais pas du tout. Tu écoutes la musique ? Un peu, ouais. Tu écoutes quoi ? Du rap. Du rap, donc le rap pourrait être actuel ? Un peu, ouais. En même temps, ça pourrait être vieux. Hein ? En même temps, le rap, il pourrait être vieux aussi. Ouais, aussi, ouais. Donc, qu'est-ce que c'est, selon toi, la musique actuelle ? Moi, j'aime le rap. Le rap, ouais ? Est-ce que le rap est actuel ? Je crois pas. Est-ce qu'il y a d'autres musiques qui pourraient être actuelles ? Bonjour. Oui, ouais. Je sais pas. Qui parle français ici ? Que lui ? Arabe. Musique actuelle, qu'est-ce que c'est de la musique actuelle? Je sais pas, monsieur. Non. Je sais pas, je comprends pas. Tu peux lui traduire Musique. Musique chino, ouais. Musique de quoi? Musique d'aujourd'hui? PNL. PNL. PNL? Ouais, PNL. Ok, c'est quoi, je connais pas. Bah, PNL, c'est lui là. Ah oui, tu peux le mettre? Ah oui. Que l'œuf ne cherche pas d'art. Et zut, la vie est bonne, bonne à niquer. Ils vendent leur cul, leur mère. PNL vient d'où? C'est un Algérien. Algérien, oui. On l'a défini comment cette musique? C'est du post-rap, du trap? Du rap qui est. Du rap français. Rap français, mais. Rap français. Oui, mais il est très, très bien. Très bien. Ouais. Ok. La musique actuelle, c'est très bien. Ouais. Ok. Merci. Bonne journée, au revoir. Bonjour, madame. Vous connaissez le festival Archipel? Non. Non? Non. C'est un festival sur la musique actuelle? Non, je connais pas. Selon vous, c'est quoi la musique actuelle? Actuelle. Qu'est-ce que je peux dire des... Il y a beaucoup de musique que j'aime actuelle, mon Dieu, je sais pas. Vous dites quoi, les noms des chanteurs? Ouais, par exemple, les musiques d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça pourrait être une musique d'aujourd'hui? Oh, vous savez, pour nous, c'est quoi? C'est des... Je sais pas, chez moi. Vous venez d'où? Du Cap Vert. Du Cap Vert, ok. Là, il y a quoi comme musique en Cap Vert? Le Morna. Morna? Oui. On pourrait dire que le Morna est actuel? Pour nous, oui. Ouais. Pour chez nous, oui. Bah, pour toujours. Ouais, pour toujours. Bonjour, vous connaissez le Festival Archipel? Pardon? Vous connaissez le Festival Archipel? De réputation seulement, mais je ne suis jamais allé. C'est sous la musique actuelle. Ouais. C'est quoi pour vous la musique actuelle? La musique actuelle, ça ne veut rien dire. Ouais. Mais c'est pour quoi la musique? Musique urbaine, ça pourrait dire quelque chose. Musique. Ouais. Même avant-garde, tu vois à quel point ça ne veut rien dire. Oui. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? On le définit au pluriel, déjà, c'est pas la musique actuelle, mais les musiques actuelles. Tu vois, les musiques actuelles, tant qu'elles sont en vie, tant qu'elles sont diffusées, elles sont actuelles. Que ce soit encore de la musique baroque jouée aujourd'hui, bah, elle est actuelle. Que ce soit la musique qui sort du home studio d'un petit gars de 16 ans qui apprend à jouer avec des machines, bah, elle est actuelle aussi. C'est comme la langue. Dès lors qu'on la pratique plus, elle meurt. Mais dès lors qu'on la pratique encore, elle reste dans le présent. Selon vous, c'est quoi la musique actuelle? Des pop, quelque chose comme ça, non? Oui, vous écoutez quoi comme musique? Pas grand chose, peu importe que ça passe à la radio, mais j'ai pas de choix préférentiel. Donc quand ça passe à la radio, est-ce que c'est actuel? Normalement, oui, ça devait être, en tout cas. Vous écoutez quoi comme musique? J'ai écouté cette musique indienne, Bollywood. Bollywood song. Je viens d'Afghanistan. En Afghanistan, la musique... Mais pas comme ça, c'est avant musique. Avec l'artificiel, il s'appelle comme avec le tabla. On a dit tabla avec de ça. Actuellement, oui, en Afghanistan, malheureusement, pour le moment, non. Maintenant, on connaît bien. Maintenant, c'est Taliban qui est arrivé là-bas pour ça. Ouais. On ne peut pas écouter la musique là-bas. Il n'y a pas de musique maintenant, okay. Malheureusement. C'est anglais, fois Afrique. Musique d'Afrique? Ouais. Vous venez d'Afrique? Ouais. D'où? Érythrée. Et là, on écoute quoi comme musique traditionnelle? Ouais, ouais. Et vous avez des disques à la maison? Ouais. Oui. C'est des vieux disques? Ouais, c'est vieux disques, ouais. Ouais. Mais selon vous, ça peut rester actuel, cette musique? Ouais. Ouais? Ouais, bien sûr. La musique traditionnelle, elle peut être actuelle? Ouais. Selon vous, c'est quoi la musique actuelle? Je sais pas. Si on devrait la définir en deux mots, la musique actuelle... Je sais vraiment pas. Vous écoutez la musique? Oui. Vous écoutez quoi? Catherine. Philippe Catherine. Philippe Catherine? Oui. Il est français, lui, non? Non, c'est pas... Je sais pas. Il chante en français? En français, oui, il chante. Ouais. Et ça c'est actuel, selon vous? Non, c'est vieux. C'est vieux. Bonjour, monsieur. Vous connaissez le Festival Archipel? C'est la musique contemporaine. Oui. Selon vous, c'est quoi la musique contemporaine? La musique contemporaine, ben, c'est à partir de la musique concrète et voilà quoi. Bonjour monsieur, vous connaissez le Festival Archipel? Non mais... C'est un festival sur la musique actuelle. Très bien. Selon vous, c'est quoi la musique actuelle? Tous les genres, c'est contemporaine. Bonjour madame, vous connaissez le festival Archipel ? Non, je ne connais pas. C'est un festival qui parle de musique actuelle. Bah merci du renseignement. Selon vous, qu'est-ce que c'est la musique actuelle ? Bah la musique actuelle, c'est la musique qui est créée actuellement. Et vous pourrez me faire un exemple ? Bah non, bah, je suis plutôt années 80, donc je ne sais pas trop ce qui se passe actuellement. Est-ce que la musique des années 80, ça pourrait être actuelle ? Bah, ça dépend des personnes. Pour moi, ce sera toujours d'actualité, mais voilà. Selon moi, c'est de la musique plutôt électronique qui bouge. Je sais pas, quelque chose d'un peu traditionnel, revisité peut-être, je sais pas. Traditionnel, revisité. Ouais, je dirais, je sais pas, c'est ce qui marche un peu en ce moment. Bonjour madame, vous connaissez le festival Archipel ? Absolument pas. Non, non. Il parle de musique actuelle. Aucune idée. Selon vous, qu'est-ce que c'est la musique actuelle ? Bah la musique d'aujourd'hui, quoi. Et si on devrait la définir... Mon Dieu, ça c'était... Je préfère la musique d'avant, moi. Ah oui, ouais, l'ancienne. L'ancienne. Mais est-ce que l'ancienne pourrait être actuelle ? Oh là là, question, je sais pas. Désolée. Merci. Ah oui, j'ai juste une question. Le festival Archipel parle de musique actuelle, on est d'accord ? Oui. Selon vous, qu'est-ce que... Oui. Aussi du cinéma, du théâtre, enfin plusieurs choses. Oui. Alors, si on se concentre sur la musique actuelle, selon vous, qu'est-ce que c'est la musique actuelle ? C'est une diversité de musique, une pluralité de musique. Il n'y a pas qu'un style. Tout à fait, oui. Mais il se différencie de la musique passée ou pas ? C'est un prolongement. Et ça dépend si vous vous mettez dedans la musique culturelle. Culturelle d'autres pays... Je trouve qu'on a une richesse de musique. Aujourd'hui, vous dites ? Aujourd'hui, oui. Avec le mélange de styles ? Avec pas de mélange, la diversité des styles. Ah oui, donc il n'y a pas de mélange dans les... Si, bien sûr. Une musique est influencée aussi par une autre. C'est des constructions. C'est quoi votre musique favorite ? C'est quoi ma musique favorite ? En ce moment, je reviens au classique. Ah oui. Alors donc, que j'avais laissé... Ou des nouvelles... Non, les nouveaux. Ah oui. J'aime beaucoup le piano et le violon. Et je réécoute. Ah oui. Mais du coup, est-ce que cette musique classique écrite aujourd'hui, c'est une musique actuelle ? Bien sûr. Oui. Elle est produite par des personnes actuelles tout en jouant des morceaux. C'est comme l'écriture, comme la littérature. Ah oui. On part pas de rien. Oui. Selon vous, c'est quoi la musique actuelle ? Un peu tous les genres mélangés. Mais du traditionnel ou... Non, tout ce qui est moderne, hip-hop, j'en passe les meilleurs. Est-ce que la musique traditionnelle pourrait être actuelle ? Oui, si elle est actualisée en fin de compte, avec les anciens instruments ou des choses comme ça. Quand c'est traditionnel, je sais pas trop. Bonjour madame, vous connaissez le festival Archipel ? Non. Vous parlez français ? Oui. Il parle de musique actuelle. Ah, où ? Selon vous, qu'est-ce que c'est la musique actuelle ? Non, c'est la première fois que j'ai entendu. Que vous entendez le mot oui. Musique actuelle. Oui. Selon vous, c'est quoi la musique de l'actualité aujourd'hui ? Ah, ok. Et puis, c'est ici ? C'est là-dedans, oui, exact. Ah, ok. Pendant 10 jours ? 12 jours seulement. 10 ? Ah, 10 jours. Ok. Alors, merci beaucoup. Merci. Bonne journée, au revoir. Ah ouais, mais moi j'écoute pas la musique alors. Du tout ? Non. Ni vieille, ni actuelle ? Non. Ok. Pourquoi ? Bah parce que... à la maison j'ai la télévision, donc j'écoute pas. Ah oui, vous regardez plutôt. Ouais. Ok. Voilà. Mais selon vous, qu'est-ce que ça pourrait être la musique actuelle ? Hein ? Qu'est-ce que ça pourrait être la musique actuelle ? Quelle musique elle est actuelle ? Ah, pour moi, maintenant c'est... Il y a de mode le rap. Oui. Voilà, mais moi j'aime bien le rock et la pop. Ok. Bonjour, j'ai pas... C'est bien. C'est un festival qui parle de musique actuelle. Ah oui, ça va commencer aujourd'hui. Il a commencé hier. Ah, c'était hier. Ben, ça va durer 10 jours. C'est à quelle heure ? C'est toute la journée et tout le soir. Jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à 22h. Ah donc c'est là, moi je savais pas, donc je vais passer faire la fête. Il parle de musique actuelle. Ah, la musique actuelle. Mais qu'est-ce que vous préparez pour nous ? Selon vous, qu'est-ce que c'est la musique actuelle ? Ah, la musique actuelle, en tout cas, moi, je peux dire rien. J'aime ce qui est seulement la bonne musique. Et puis, Moi, tout ce qui est la musique, moi, qui, non, j'aime. Ce qui est la bonne, puisque la musique, c'est l'art de combiner d'une manière à l'oreille. Et voilà, donc ce que ça me plaît, et ça me touche, et ça me parle quelque chose avec la mélodie, et ça, ça m'intéresse. Donc pour vous, la musique n'a pas de temporalité, il n'y a pas de vieille musique, nouvelle. C'est pour moi, c'est sans frontières. Donc c'est comme la prière. Tout à fait, ça parle à l'âme. Ah ben bien sûr, oui. Donc à l'âme, ouais. Et donc de transmettre quelque chose à quelqu'un d'autre. Super, merci beaucoup, bonne journée, au revoir.